Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie, il pleut sans raison. Dans mon cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, mon deuil est sans raison. Pire peine de ne savoir pourquoi sans amour et sans haine.